Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Nous commençons aujourd'hui la deuxième saison d'Espace-temps avec une rencontre avec Claude Bolduc, auteur québécois de fantastique. Il vient nous parler de son tout nouveau livre. Mais avant tout, faisons un tour d'horizon de sa carrière. Voici ce qu'en dit Wikipédia. Explorateur des côtés sombres de l'âme humaine, des travers malsains qui gisent en chacun de nous, il pratique tout autant la veine traditionnelle que la veine moderne du fantastique. En fouillant par-delà sa production dite professionnelle, on découvre, dans l'univers underground des fanzines, une abondante production de textes humoristiques qui contrastent avec ses nouvelles d'épouvante. Il n'est jamais aisé de réunir la production d'un nouvelliste, mais on trouve une sélection de nouvelles d'épouvante couvrant la période 1993-1998 dans le recueil « Les yeux troubles et autres contes de la lune noire », édition Vent d'Ouest, celle du Québec. En 2006, apparu chez le même éditeur, le recueil « Histoire d'un soir et autres épouvantes » qui couvre la période 1999-2005. Bien que ne bénéficiant pas d'une très large diffusion, ces recueils de nouvelles sont disponibles pour le public européen par l'entremise de la Librairie du Québec à Paris, qui possède un petit réseau de distribution en France. En plus de sa production pour le public adulte, Claude Bolduc a aussi écrit 7 romans fantastiques pour le public adolescent aux éditions Vent d'Ouest, Gatineau, et chez Mediapol, Montréal, dont une trilogie. Outre sa production d'écrivain, il a aussi fait œuvre d'anthologiste, réunissant des auteurs autour d'un thème. Après un premier essai amateur et micro-édité intitulé « Sourire », édition de l'Avenir Brompton, en 1994, il a dirigé deux collectifs de nouvelles fantastiques pour le public adolescent aux éditions Vent d'Ouest, Gatineau. « La maison douleur et autres histoires de peur » en 1996 et « Petite cruauté » en 1999. En 2002 paraissait, après 2 ans de travail, l'anthologie « Petite danse de macabre » Vent d'Ouest, Gatineau, une anthologie de 13 nouvelles macabres pour le lectorat adulte, mettant en vedette des auteurs du Québec, de la Belgique et de la France. Une longue novella fantastique, Entre les bras des amants réunis, apparue en 2005 dans l'année de la science-fiction et du fantastique québécois, aux éditions à lire. En 2007, il a remporté le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois, après avoir été finaliste à ce même Grand Prix en 2003, pour l'ensemble de sa production de l'année précédente, ainsi que le prix Boréal de la meilleure nouvelle fantastique québécoise pour « Toujours plus bas », qui figure dans le recueil « Histoire d'un soir et autres épouvantes ». En 2008, il a remporté le prix littéraire « Le droit » dans la catégorie jeunesse avec le roman « Là-haut sur la colline ». En 2009, il est récipiendaire du prix d'excellence de la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais. En 2009 également, sous la direction du BDiste Christian Quesnel, des artistes visuels de sa région se sont librement inspirés de nouvelles de Claude Bolduc pour créer 4 récits graphiques, lesquels composent l'album « La machine du bonhomme 7 heures » paru au studio coopératif Première Ligne. J'ai côtoyé Claude au début des années 1990 dans les fanzines québécois et européens. J'ai eu le plaisir de le publier dans Tantôt à quelques reprises. Depuis, il a fait un sacré bout de chemin. Lui qui, jadis, se disait à l'aise qu'entre la tapisserie et le mur, s'est dégéné en pourrir au cours des années. Il s'est mérité nombre de distinctions au pays comme en Europe, comme par exemple en 1997, délégué par l'Association des auteurs de l'Outaouais au Salon des régions du livre de Besançon en France. En 1999, invité d'honneur au 20e Salon du livre de l'Outaouais. Aussi, auteur invité à la rétrospective Edgar Allan Poe, 150 ans déjà, rétrospective de la littérature fantastique à Marche en Famène, en Belgique. En 2000, lauréat du 2e prix au concours de nouvelles « Le prix de la ligne », organisé dans le cadre de la foire du livre de Ligny en Belgique. En 2002, invité à la Convention nationale française de science-fiction à TIFF, en Belgique. En 2007, invité à la foire du livre de Bruxelles par le service du livre luxembourgeois. aussi lauréat du Grand Prix de la science-fiction du fantastique québécois, lauréat du prix Boréal de la meilleure nouvelle québécoise de science-fiction ou de fantastique avec la novella Toujours plus bas et personnalité de la semaine Radio-Canada Le Droit pendant la semaine du 21 mai. En 2008, prix littéraire Le Droit, catégorie jeunesse, avec le roman Là-haut sur la colline. En 2009, président d'honneur d'une journée du Salon du livre de l'Outaouais, invité d'honneur du Congrès boréal de science-fiction et de fantastique, prix d'excellence de la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais. Et maintenant, place à l'entrevue. Bonjour Claude. Tu viens nous présenter ton plus récent livre. Est-ce un roman? Eh bien, bonjour Christian et bonjour à tout le monde également. Effectivement, je m'en viens vous glisser un mot à propos de mon plus récent livre qui vient tout juste de sortir. Il s'agit effectivement d'un roman, en plus particulièrement un court roman, lequel est accompagné d'une série de courtes nouvelles. Alors, le titre, qui peut être trompeur au premier abord, le titre est « Entre les bras des amants réunis », suivi de « Contes de la nuit tombée ». Alors, nous avons affaire à un court roman, c'est bel et bien de la littérature fantastique, bien que le titre pourrait laisser croire que je me suis recyclé dans les histoires à l'eau de rose, mais il n'en est rien, rassurez-vous, s'il y a de l'eau de rose, elle est passablement croupie. Je tiens à préciser d'ailleurs que si on parle de fantastique, c'est bel et bien dans le sens premier du terme, et par exemple, parce que de nos jours, on a tendance à appeler n'importe quoi du fantastique. Alors, ne cherchez pas de guerriers musclés ou de dragons dans ce livre, il n'y en a pas. Les histoires qu'il contient relèvent plutôt de la tradition d'Edgar Allan Poe plutôt que de celle de Tolkien. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère utiliser le terme « épouvante » sur le livre plutôt que « fantastique ». Comme ça, je suis certain que les gens ne seront pas induits en erreur. Le court roman, bon, fait environ les deux tiers du livre. Tu peux nous en parler un peu? Un roman assez particulier d'ailleurs, puisque je me suis enlisé dedans pendant un an et demi au moins, à faire évoluer, ou plutôt se détériorer, un personnage à l'esprit fragile, à qui il arrive des choses dans une maison, qui par ailleurs est absolument identique à celle que j'habite en ce moment. Tout un phénomène d'identification, je vous prie de me croire. Je m'en voudrais de vous dévoiler ce qui s'y passe dans cette fameuse histoire, mais il ne fait pas de doute que notre homme subit une influence quelconque. Et j'espère que j'en suis à l'abri moi-même. Entre les bras des amants réunis, dans les faits, c'est une nouvelle version d'une novella qui a paru dans un livre de référence en 2005 qui s'appelait « L'année de la science-fiction et du fantastique québécois ». Il s'agit d'une version légèrement augmentée, mais abondamment retravaillée. Je me suis dit que tant qu'à en faire, rendre pas disponible pour le grand public ce texte, dont on a dit qu'il était parmi mes meilleurs, aussi bien le reprendre, puis le polir un peu, puis en offrir une version plus aboutie aux gens. Donc, en ce sens, le texte tel qu'il figure dans ce livre-là, ben, il n'avait jamais paru ailleurs. Il y a aussi 9 nouvelles qui l'accompagnent, des nouvelles sous le thème de la nuit, des histoires crépusculaires. Certaines sont originales, d'autres ont déjà paru avant, que ce soit dans la revue Solaris, ou il y en a une d'ailleurs qui est la version française d'une nouvelle qui est parue dans une anthologie anglophone d'histoires de vampires et qui n'avait jamais paru telle qu'elle en français. Il y en a d'autres aussi qui devaient paraître en Belgique, mais ce n'est pas arrivé encore. Évidemment, il y a toutes sortes d'aléas quand on parle du monde de l'édition. Alors, elles ne sont pas parues encore en Belgique. Par contre, ça devrait paraître incessamment. C'est donc dire que lorsque je parle d'histoires inédites qu'on trouve dans ce recueil, ça inclut aussi des textes qui, bien qu'ils ont paru dans des périodiques européens, ne sont pas vraiment disponibles au Québec. Là, cherchez-les pas. Par exemple, ce livre-ci contient un petit hommage, pastiche, coup de chapeau à l'un des écrivains qui m'ont le plus marqué et qui ont le plus déteint sur moi, Jean Rey. Alors, remarquez, je pense pas que quiconque trouve que mes nouvelles ressemblent à du Jean Rey, mais il reste que ces histoires, sa plume incomparable, cet enthousiasme qu'il m'insufflait, ont été les éléments déclencheurs de ma passion envers l'écriture fantastique. C'est grâce à lui et aussi à Robert Bloch que j'ai fini par m'éveiller à l'écriture. Ça fait qu'un bon jour, c'était l'année dernière, j'ai décidé de relire Les Contes du Whisky, le premier recueil de Jean Rey, paru en 1925. J'ai éprouvé tellement de plaisir, je me suis tellement amusé pendant ma lecture qu'à la fin, j'en pouvais plus. Et d'enthousiasme, je suis allé de ma propre vision d'un conte du whisky. Le livre est sorti chez quel éditeur? Le livre est sorti aux éditions Vent d'Ouest au mois d'octobre, dans la collection Rafale, comme mes deux précédents recueils là, qui s'intitulaient « Les yeux troubles et autres contes de la lune noire », ainsi que « Histoire d'un soir et autres épouvantes ». C'est un livre, oui, qui est distribué au Québec, évidemment. Et en Europe, ben, c'est plus difficile. Il y a la librairie du Québec à Paris, qui a un petit réseau de distribution pour la France et, je crois, la Belgique aussi, qui s'appelle « Distribution du Nouveau Monde », DNM. Et je pense que la plupart des librairies en Europe peuvent commander à partir de la librairie du Québec. J'imagine qu'il y a des délais, ça doit pas être ce qu'il y a de plus rapide, mais bon, c'est quand même... Au moins, on peut se le procurer. Sinon, bon, une fois que je me serai remis de la parution de ce recueil, j'ai toujours quelques projets en chantier. Il y a des nouvelles, d'ailleurs, qui devraient paraître dans des anthologies en Europe. La prochaine, peut-être même au mois de novembre, est une anthologie aux éditions Malpertuis. Et une belle petite histoire, je pense qu'on peut appeler ça des anges ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, ben, y a toujours d'autres projets de nouvelles. Je devais participer notamment à un hommage à Thomas Owen, parce que c'est cette année le 100e anniversaire de sa naissance, de ce grand auteur belge qui nous a quittés il y a quelques années. Et bon, j'attends des nouvelles de cette publication-là. Et j'ai aussi quand même un projet de roman. En fait, il est écrit, sauf que je peux pas dire que je suis très content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il faut savoir que le roman, c'est pas nécessairement c'est pas ma branche. Je suis plutôt un nouvelliste. Mais je me suis laissé tenter par l'idée d'en écrire un. Et puis là, ben, je suis pas tellement content du résultat. Donc, il faudra attendre que j'ai des idées pour produire une nouvelle version qui peut-être saura me satisfaire et séduire l'un ou l'autre directeur littéraire. Alors, c'est à voir. On devrait en avoir des nouvelles, j'imagine, au cours de l'année 2011, si je parviens à secouer ma torpeur. Je sais pas si on doit dire torpeur ou paresse, mais dans mon cas, ça se rejoint. Alors voilà, ce sont les projets pour l'instant. Mais en ce moment, je m'applique surtout à savourer la parution de ce recueil entre les bras des amants réunis, suivi de Contes de la nuit tombée. Merci d'avoir répondu à nos questions, Claude. Tous nos voeux de succès pour la suite. Bye. Je compléterai en vous lisant le résumé de la 4e de couverture de son nouveau livre. Une maison, c'est la sécurité. C'est aussi en quelque sorte un signe de réussite. C'est même l'ultime refuge de qui cherche à s'isoler. Lorsque Jacques voit se présenter la chance de quitter son logement miteux et d'emménager dans une petite maison, sa maison, grande est sa confiance de laisser derrière lui la grisaille d'une vie ancienne. Certes, la maison n'a rien d'un palace, mais déjà, il s'y sent bien. Bientôt s'estompent les mauvais souvenirs, remplacés par un bien-être qu'il ne se souvient pas d'avoir connu. Ici, tout est parfait. C'est tout juste s'il ne doit pas se faire violence pour sortir et aller faire ses courses. Curieux tout de même que les copains du vendredi semblent toujours s'inquiéter de son état. Il est si bien ici, avec son secret bien à lui, découvert au fond de la cave. Puisse la maison veiller sur lui longtemps encore, comme elle l'a si bien fait pour d'autres avant lui. Car, de tout temps, la maison fut. Pour plus d'infos sur l'auteur, visitez son site internet à claudebauduc.tripod.com. Vous trouverez tous les détails de son livre à www.vendouest.ca. Merci de votre attention. À bientôt.